Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? On va se la faire avec un peu de chant et après tu fais les solos. Un, deux, trois, quatre. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. So self-satisfied, I don't need you. God, no, I want to break free. I've fallen in love for the first time. And this time I know it's for real. I've fallen in love. God, no, I've fallen in love. A toi, Titi. Break free, want to break free from your life. So self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. God, no, I want to break free. I've fallen in love. Fallen in love for the first time, and this time I know it's for real. Lord. God, no, I fight any law. Life's just gone. Baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. Oh, I want to break free. God, no, I want to break free. I can use to live with a lie with a without you by my side. I don't want to live alone, yeah. God no, I want to break free. Break free. I want to break free. I want to break free. I want to break free. Merci Titi, merci, merci. Calme-toi. Titi, il a une nouvelle guitare, alors il est à fond. Faudrait faire le même, mais en plus épuré. Viens, FKBN, viens. Viens chanter. Tu es le bienvenu. Bon, de toute façon, c'est nul parce que il y a 8 personnes qui écoutent le 2050, alors ça va être mieux au 2050. Bon, on la refait une dernière fois, puis après on arrête. Tu veux la refaire, Titi ? En fait, je me suis trompé dans les mesures. C'est pas grave, c'est une version bass. celui qui est en train de s'accorder, c'est Titi. Il est pas accordé, Titi. Tu me dis le mec sur scène. Hey, on va. Mesdames et messieurs, Titi s'accorde. C'est une guitare toute neuve. C'est une guitare toute neuve, alors ça se désaccorde, c'est normal. Les cordes sont neuves aussi, non? Il me reste encore 3 quarts d'heure. Break free. I want to break free. I want to break free from your life. So self-satisfied, I don't need you. God no, God no, I want to break free. I've fallen in love. Fallen in love first time, and this time I know it's for real. Fallen in love, oh. God no, God no, I've fallen in love. Mesdames et messieurs, Titi à la guitare. Et bien sûr, vous aurez aussi FKBN, je sais pas de quoi il joue, et Mister Z, c'est du synthé, je pense. Faites-vous plaisir, les gars. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time, this time. I know it's for real. Fallen in love. I've fallen in love. God no, God no, I've fallen in love. But life just go on. I can't get used to living without you by my side. I don't want to live alone. God no, God no, fallen in love. À vous les musiciens, c'est votre tour maintenant, c'est parti. Titi à la guitare. Et on va peut-être avoir le droit de le solo de synthétiseur de Queen. Parce qu'on a un synthé ce soir. Est-ce qu'il va nous le faire le solo de synthé? Est-ce qu'on y aura droit au solo de lead? Thank you. to break free. I want to break free. I want to break free from your life. I'm so self-satisfied. I don't need you. God, no. God, no, I want to break free. On va redemander à Titi de nous faire un solo. Est-ce qu'il est prêt, Titi, pour faire un solo? Est-ce que Titi va nous faire un solo? Moi, je crois que oui. Mesdames et messieurs, monsieur Titi, il arrive, il a une nouvelle guitare, il va en mettre plein la vue. Bon, mais je crois que c'est pas ça. Je pensais que Titi allait nous faire le super solo, mais apparemment c'est le synthétiseur. Alors, on va laisser la place au synthé, Mister Z. Mister Z, mesdames et messieurs, ce soir pour vous exclusivement au synthétiseur. Avec tous ces synthétiseurs de Jean-Michel Jarre, il arrive. À toi, Mister Z. Bon, on sent que on sent que la grippe est passée par là. Alors on va se reconcentrer. Vous êtes capable de faire beaucoup mieux. Allez. Bon, c'est pas vraiment ça. Mais c'est pas grave, ça ira mieux demain. Monsieur Z, vous êtes un peu fort.